Regina chérie, epai nazali na mboka mopaya, ekomi mibu misato, naumeli mwa mingi, posa ya kozonga ekangi ngai, butumoi nazali kokanisa yo, bisengo ya moto moko elingi te, inelanga ta foto na tala, na wena makanisi ye. Na ba sorti baninga deux à deux. Gai comme moi cité, Gina, songe la gai. Oh Regina, Namboka mopaya. Na ba sorti baninga deux à deux. Gai comme moi cité, Gina, Zongelanga. Gina, mote ma moi gagnance. Et Kali et Paina yo. La cotine la yo bie, o come langa, e paina sali. Kamata avia Air Africa, o come langa e nazali cose la yo ye ye. Mata pepo moko la mardi, o come langa, Regina mon amour. Mata pepo moko la mardi, o come langa, Regina mon amour. Moko la mardi, et au comme la gagne, Regina mon amour.